Desobjet en l'habitació. Un equip de la Universitat de Tel Aviv, avec le français Guédicher, a mis en ligne un vidéo présentant un effet entonant où les voix levitées une grosse pastille au-dessous d'une surface. De plus, la pièce apparaît en suspension aussi bien à l'horizontale qu'inclinée et semble configurée dans cette position. C'est très intéressant et montre un effet quantique à notre échelle macroscopique. S'enthousiasme Julien Bobrov, enseignant chercheur au laboratoire de physique des solides de la Université d'Orsay, qui lui aussi participe à des expériences aussi extraordinaires, comme cette tour Eiffel, dont les étages lévitent. L'expérience est visible en ce moment au Trocadère, dans le cadre de l'exposition Entrée en matière, le week-end jusqu'au 30 octobre.